Chapitre 6e. Le chalet du bonhomme Druaz. Pendant que Flavia Morin, accompagnée de Sir John Colfax et de Scabieuse, se rendait auprès du baron de Lavernay, dans le but de surexciter ses mauvais instincts, en lui offrant une somme énorme du château de sa sœur Athénaïs, deux jeunes voyageurs s'arrêtaient devant le chalet du bonhomme Druaz. Ces deux voyageurs étaient le docteur Cabarrox et l'avocat Maxou, qui, on se le rappelle, avait quitté Paris pour suivre le riche Américain et sa fille adoptive dans la Haute-Savoie. Le docteur, nous l'avons vu, s'était dévoué corps et âme à Flavia dans un but intéressé, et il comptait bien battre monnaie avec son dévouement de commande. Un sentiment tout autre et plus noble avait suggéré à Maxou la pensée de ce voyage. Il pressentait, non sans raison, que le départ subi de Flavia Morin cachait quelques ténébreux projets, et il s'était fait son compagnon de route afin de la surveiller et, au besoin, l'arrêter si elle s'engageait dans une voie coupable. Peut-être aussi était-il poussé par un autre sentiment qu'il ne s'avouait pas encore et dont nous parlerons plus tard. Bien certainement elle a quelque chose en tête, s'était-il répété souvent pendant le trajet de Paris à Rumilly. Mais quoi? Enfin, nous verrons bien. Cabarrox lui aussi s'était adressé la même question, mais sans s'en préoccuper davantage. Et d'ailleurs, il avait bien d'autres préoccupations. C'était lui qui avait voulu veiller sur le personnel des domestiques et sur le mobilier de campagne que l'ex-institutrice emmenait avec elle, et il descendait à toutes les stations pour s'assurer que l'un et l'autre suivaient le même chemin que leur maître. « Que diable penses-tu trouver ici ?» dit maître Maxou en s'arrêtant à l'instar de Cabarrox devant le chalet du marchand de bois. « Tu vois bien que cette habitation n'est pas allouée. » « Voilà 3 heures que nous allons par mont et par beau, depuis que nous avons quitté la gare de Rumilly. Je tombe de lassitude et je ne serai pas fâché de me reposer un peu, » répondit le docteur en essuyant les grosses gouttes de sueur qui perlaient à son front. « Si c'est pour cela, à la bonne heure, moi aussi je n'ai plus de jambes. » Cabarrox sonna. Un bruit de pas se fit bientôt entendre et Truas parut. Il jeta sur les deux jeunes gens un regard interrogateur. « Mon brave homme, » lui dit le docteur d'un ton dégagé. « Nous venons vous demander l'hospitalité pour quelques instants et un verre de vin par-dessus le marché. »« Je ne bois que du cidre, » répondit le marchand de bois, « mais je puis vous offrir un banc pour vous reposer. »« Bah pour le banc et le cidre, » dit philosophiquement maître Maxou. Truaz ouvrit la porte de la grille et les deux voyageurs entrèrent. Puis le sudit Truaz apporta, non sans avoir poussé un soupir de regret, un pichet de cidre et 3 verres, car il entendait bien, l'avare qu'il était, prendre la meilleure part des largesses qu'il se voyait obligé de faire. « C'est gentil ici, » dit Cabarrox après avoir bu, « et ça me paraît très confortable. À qui appartient ce charmant chalet ?»« Mais à moi, » fit le marchand de bois en se redressant. « Et vous l'habitez tout seul ?»« Tout seul depuis 5 ans. »« Diable ! Vous devez vous perdre dans votre chalet, car il est très spacieux. »« Pour ça, c'est vrai. J'ai de quoi me loger tout à mon aise. » « C'est dommage qu'il ne soit pas loué, » insinua le docteur. « Pourquoi ça ?» reprit Truaz. « Parce que j'ai des amis qui ont l'intention de passer la belle saison dans cette localité, et ils s'accommoderaient bien de cette habitation, j'en suis sûr. »« Possible, mais je ne peux pas me mettre à la porte de chez moi pour les beaux yeux de vos amis, » répliqua Truaz avec un grand rire. « Sans aucun doute, et cependant... »« Quoi donc ? S'il nous offrait un bon prix pour la location de ce chalet, ce sera peine perdue. Voyons, poursuivit le docteur, sans faire semblant d'avoir entendu. Que peut-il valoir? 30 000 francs, au bas mot. 30 000 francs, à 5%, et la propriété rapporte rarement cela. Cela fait 1 500 francs. Je vous offre 2 000 francs pour la location de votre chalet pendant 3 mois. Le bonhomme Truaz examina attentivement Cabarrox, lui probablement écrit en toutes lettres sur son visage le vif désir qu'il avait de louer le chalet, car après un instant de réflexion, il répondit « Nanny, mon brave monsieur. » Le docteur renouvela sans s'en douter la comédie que Flavia était en train de jouer au château domanial de Mademoiselle Athénaïs de Lavernay. « On vous le louera 3 000 francs, » dit-il en tapant sur le ventre du marchand de bois. « Ça vous va-t-il ? Non, » répondit ce dernier d'un ton bref, après un nouvel examen et une nouvelle pause. « 4 000, » dit Cabarrox. « Même pause de Truaz et même examen. » « Pas davantage, » reprit-il d'une voix qui cette fois semblait hésitante. « Maxou observait en silence le jeu des deux madres et compères. Le docteur, auquel l'hésitation du marchand de bois n'avait point échappé, murmura entre ses dents « Je tiens mon homme ». Et il dit tout haut « 6 000 francs ». Truas, pour le coup, ne put se contenir plus longtemps. Ses petits yeux gris s'écarquillèrent et regardant face son interlocuteur. « Ce n'est pas pour rire ce que vous me proposez là, » lui demanda-t-il. « Voyez plutôt, » reprit Cavarox, en tirant de son portefeuille 6 billets de banque de 1 000 francs chacun. « Topez-la, » dit le marchand de bois, fasciné et vaincu. « Topons, » fit le docteur en prenant la main que lui tendait le bonhomme Truas. « Mais je mets une condition à notre marché. »« Laquelle ?» reprit l'avare avec une certaine inquiétude. « C'est que vous déguerpirez sur le champ d'ici, vous et vos meubles. »« Sur le champ, c'est entendu. »« En ce cas, voici l'argent. Préparez votre acte de location. » À votre nom ? Non. Je vous indiquerai le nom qu'il faudra mettre sur l'acte que vous allez faire. » Un quart d'heure plus tard, le docteur Cavarox et maître Maxou se rendaient à la gare de Rumilly pour faire transporter au chalet le mobilier de campagne de Flavia Morin pendant que le marchand de bois procédait à son déménagement. La montagne sur laquelle s'élève le château des Abîmes était rude à gravir et des plus dangereuses à descendre. Le moindre faux pas des chevaux eût précipité landau et voyageurs dans des ravins profonds et rocailleux, aussi la descente ne s'effectua-t-elle que lentement. Mais dès qu'on eut gagné la grande route de Seyssel à Rumilly, les excellents trotteurs, attelés au véhicule de Sir John Colfax, prirent un temps de galop, dépassèrent bientôt la commune de Sion, et l'on put apercevoir les arbres magnifiques qui servent d'avenue au village de Saint-André. Assis au fond du landau, sa lunette de poche à la main, le riche Yankee contemplait le merveilleux tableau qui frappait ses regards, puis, consultant de temps à autre son guide Johan, il expliquait à sa fille adoptive la topographie pittoresque du pays et nommait par leur nom les pics gigantesques qui découpaient l'horizon de leur dentelure sombre. Scabieuse était tous yeux et toute oreille. Flavia écoutait aussi, mais elle était distraite et elle regardait sans les voir les splendides paysages de la Haute-Savoie. Tout à coup, elle fit un mouvement. Maxou et Cavarox, qui viennent à notre rencontre, dit-elle en montrant deux hommes qui se dessinaient au loin sur la route. Sir John Colfax dirigeait sa lunette vers l'endroit indiqué. En effet, reprit-il, ce sont eux. Le landau rejoignit en quelques minutes les deux jeunes gens, et les trois voyageurs mirent pied à terre à la grande joie de Minos qui s'ennuyait de n'avoir pas de compagnons de route. Eh bien, demanda Flavia aux deux amis, avez-vous réussi dans vos recherches? Vous aurez votre chalet, répondit Cavarox. « Vrai, » dit l'ancienne institutrice. « Il y a bien eu quelques tiraillements, car le propriétaire auquel nous nous sommes adressés en dernier lieu est, nous l'avons appris depuis, un vieux marchand de bois millionnaire. Mais vous nous avez mis entre les mains une baguette magique devant laquelle tout a cédé, et comme le sieur Truas est encore plus avare qu'il n'est riche, il s'est laissé séduire par les 6 000 francs que nous lui avons offerts pour la location de son chalet. « Une bagatelle, » dit sir John Colfax, qui ne prisait l'or que pour les satisfactions qu'il procure. L'affaire terminée, poursuivit le docteur, nous avons fait transporter votre mobilier de campagne qui était en gare à la station de Rumilly, et nous avons procédé à son installation dans votre résidence d'été. C'est charmant, reprit Flavia. Avez-vous songé un peu à vous? Nous avons découvert, il y a une heure, à peu de distance de votre chalet, répondit Maxou, une petite maison blanche, toute proprette, dans laquelle nous passerons le temps de nos vacances. Cet échange de paroles avait lieu tout en longeant le petit chemin vicinal qui conduisait au chalet de Truas. Le bonhomme venait de terminer son déménagement et il se disposait à partir avec son mobilier enfermé dans deux chariots attelés de mulets lorsqu'il aperçut ses nouveaux locataires. Il alla au-devant d'eux et voulut leur faire lui-même les honneurs de leur nouvelle demeure. « Eh bien, êtes-vous satisfait ? » demanda-t-il ensuite à Colfax. « Enchanté, » répondit l'Américain. « Mais où allez-vous transporter votre mobilier à présent que vous voilà sans gîte ?»« Oh, ce n'est pas cela qui m'embarrasse. J'ai par-ci par-là dans les environs une dizaine de fermes, et je trouverai bien un petit coin pour moi et pour mes meubles. Mais ce qui me tracasse, c'est que j'ai invité un de mes voisins à souper ici ce soir, et dans la préoccupation de mon déménagement, je n'y avais plus songé, si bien que... « Quel est ce voisin ?» interrompit Flavia. « Oh, pas grand-chose de bon, une sorte de noble ruiné, mademoiselle. Vous l'appelez ?» Le baron de Lavernay. Sir John Colfax et Flavia échangèrent un regard. « Eh bien, Votre baron soupera avec nous, reprit la jeune fille. Vous le connaissez donc ? Demanda le marchand de bois. Nous lui avons rendu visite aujourd'hui. Truaz ouvrit de grands yeux. Depuis le matin, il marchait de surprise en surprise. Ce n'est pas tout, dit Sir John Colfax, que l'ahurissement de Truaz amusait fort. Vous souperez aussi avec nous, mon cher propriétaire. De cette façon, vous ne manquerez pas à votre engagement. Ma foi, j'accepte, répondit l'avare. Mais comment ferons-nous pour souper? Vous n'avez ici ni servante, ni batterie de cuisine. Détrompez-vous, interrompit le docteur Cavarox. Tenez, regardez de ce côté. Voici notre souper qui arrive. Il désigna un fourgon de campagne sur lequel étaient juchés trois individus, qu'à leur costume on reconnaissait facilement pour un cuisinier et ses aides. Le fourgon s'arrêta devant le chalet. Le cuisinier et ses aides descendirent et firent entrer leur équipage. Le bonhomme Truaz était abasourdi. « À quelle heure attendez-vous le baron ?» demanda Sir John Colfax à Truaz. « Sur le coup de 5 heures, répondit-il. « Vous tiendrez le souper prêt pour 5 heures un quart, dit l'Américain cuisinier. « Nous serons 6. Réglez-vous là-dessus. »« J'ai de quoi confectionner un dîner de 20 couverts, répondit l'interpellé. « Seulement il m'est impossible de me procurer du poisson. « Comment ?»« Voisins comme nous le sommes du lac d'Annecy et du lac du Bourget, vous n'avez pas trouvé de poisson ?» dit l'Américain avec étonnement. « Les truites de ces lacs sont une mystification, monsieur, » répondit le cuisinier en chef. « En effet, » reprit le marchand de bois, « elles sont fort rares à la ville. Mais je vous en offre de bon cœur et des plus grasses et des plus succulentes. Elles ont été prises dans le fier et j'en ai un plein réservoir. « Acceptez, » repartit Colfax en riant. « De cette manière, notre souper sera un véritable pique-nique. Chacun aura fourni son plat. « Venez avec moi, l'ami, » dit le bonhomme au cuisinier. « Vous choisirez vous-même les pièces qui vous conviendront. Et vous » continua-t-il, en s'adressant aux trois garçons de ferme qui se tenaient près des chariots qui renfermaient son mobilier, « en route. » « À 5 heures un quart, on se mettra à table, » dit l'Américain. « Je ne l'oublierai pas, » répondit Truaz, tout en s'éloignant. Le baron de Lavernay arriva à 5 heures au chalet, et il ne fut pas médiocrement surpris d'apprendre que l'étranger du matin serait son amphitryon du soir. Ceci dérangeait fort ses projets, car il venait, on se rappelle, pour traiter à fond de son nouvel emprunt. Mais en vrai gentilhomme qu'il était, il ne laissa rien percer de son désappointement. Le bonhomme Truaz opéra sa rentrée à 5 heures 5 minutes. Le souper fut des plus gais. Le baron, qui aimait la bonne chère, et qu'il aimait d'autant plus que sa sœur Athénaïs l'en avait sevré depuis longtemps, fit honneur au festin improvisé et aux excellents vins qui l'accompagnaient. Dans un pays de montagne, la chasse devient inévitablement un sujet de conversation. Monsieur de Lavernay raconta ses prouesses de chasseur et il proposa à Colfax une chasse aux chamois et aux coqs de bruyère. La proposition fut acceptée pour le samedi de la semaine suivante, jour de l'ouverture de la chasse. La nuit était venue lorsque les convives de l'Américain quittèrent le chalet. « Je vous accompagnerai jusqu'à votre nouveau domicile, » dit le baron à Truaz au moment où ce dernier se retirait. « Il est trop tard pour causer affaire, » répondit le marchand de bois. « Un de ces matins, nous reparlerons de tout cela. »« Soit, » répliqua M. de Lavernay en remontant à cheval.